Chapitre 14. Chariclès et René. Cependant, au fond de la maison de cristal, le vénérable Chariclès restait étendu sur sa couche de pourpre, immobilisé par le mal soudain qu'il avait terrassé au moment de l'apparition de René. Autour de lui s'empressaient les deux jeunes gens, infatigables, lui prodiguant les soins les plus affectueux. Atlantis pour l'amour qu'elle lui portait, et René, il faut bien le dire, à cause de la belle Atlantis. Et néanmoins, ce n'était pas seulement pour elle, après tout. Ce vieillard si grand, si majestueux, si mystérieux, l'intéressait. Il eût voulu pouvoir sonder le secret de cette existence, voir ses lèvres muettes se déceler pour lui révéler tant de souvenirs étranges que devait receler ce front superbe et que laissait par instant entrevoir le regard dominateur de ses yeux glauques. Et puis, outre la curiosité bien naturelle, à n'importe qui se serait trouvé dans la situation du jeune officier, une sympathie réelle s'éveillait en lui pour son malade. Après tout, pensait René, il faut se mettre à sa place, à ce pauvre vieux. S'il est venu élire domicile au tréfonds des mers, c'est apparemment qu'il n'aime pas à être dérangé. Et voilà que je tombe du ciel dans sa retraite. Je m'installe, je me carre, je suis comme chez moi, je me mêle de le soigner. Tout cela doit l'exaspérer, en somme. Je lui fais l'effet d'un intrus, d'un fâcheux, et il voudrait bien pouvoir me mettre à la porte. Je comprends on ne peut mieux ses sentiments. D'un autre côté, je le demande en toute sincérité. Puis-je obliger sa charmante fille à le soigner toute seule? M'en saurait-elle gré? Il m'est permis d'en douter. Et au fond, lui-même doit préférer qu'elle ait un aide dans ces difficiles circonstances. Oui, je crois que je suis dans le vrai, et ma foi, j'en cours la chance, je reste. Il me chassera quand je l'aurai guéri, s'il en a le courage. » Pendant que René raisonnait ainsi, tout en s'empressant avec de filiales attentions autour du malade, celui-ci ne le quittait guère des yeux. Ce regard perçant, sévère, investigateur, demeurait fixé sur la loyale physionomie du jeune homme, cherchant à y saisir les plus fugitives expressions. Pendant 5 jours et 5 nuits, il étudia ainsi le visage de son esculape improvisé. Et certes, si René n'avait eu la conscience parfaitement nette, il n'aurait pu manquer d'être gêné par cette observation obstinée. Mais grâce à son heureux caractère et à l'entière pureté de ses intentions, il n'en ressentit pas la plus légère humeur et montra toujours au vieillard un dévouement si chaleureux que, à la longue, quelque chose de cette chaleur passa dans le cœur de son hôte. Un soir, Atlantis et René avaient longtemps cherché quelle lotion ils pourraient préparer pour ramener la sensibilité dans ses membres raidis. Puis René s'était évertué pendant près d'une heure à frictionner le malade dans tous les sens, quand il eut tout à coup la satisfaction très inattendue de voir s'adoucir les yeux du vieillard. Son regard se tourna vers Atlantis et, ouvrant les lèvres avec difficulté, il dit péniblement mais distinctement, dans son grec archaïque, « Cet étranger a pour moi les soins d'un fils. » René rougit de plaisir. « Bravo ! » s'écria-t-il. « Vous pouvez parler, vous vous sentez plus fort. » Vous verrez que nous allons donner un coup de pied à la maladie. Mademoiselle Atlantis, je vous félicite du succès de vos bons soins. Votre père sera sur pied d'ici à quelques jours, foi de René Caudal. » À la voix de son père, Atlantis s'était dressée toute rose de joie. Elle se jeta dans ses bras en égrenant tout un répertoire d'exclamations harmonieuses et sonores. René trouvait le grec la plus belle langue du monde, décidément. Quand le premier émoi fut passé, Chariclès, dont le front sourcilleux s'était apaisé, tant il est doux d'être aimé, même à un vieux triton, Chariclès leur fit comprendre que, depuis plusieurs jours déjà, il avait senti revenir la faculté d'articuler les mots, mais il avait voulu en être bien sûr avant de leur donner une fausse joie. Et maintenant, ayant étudié à fond son René pendant de longues heures de mutisme, il s'était convaincu qu'il avait affaire à un digne garçon, un cœur franc et pur, et, pour prouver sa confiance, il allait lui indiquer un philtre puissant qui activerait la cure. non sans difficulté, avec bien des pauses et des lenteurs, en esquissant quelques mouvements de sa droite endolorie, le vieillard indiqua à René, au milieu de son attirail de fioles et de cornues, lesquels il devait prendre pour confectionner un breuvage. Atlantis, légère comme un oiseau, ranima la flamme sous le trépied d'or, et René, mélangeant, dosant, agitant, finit par composer une potion de saveur amère et d'odeur indéfinissable que le vieillard avala d'un trait, mais non sans avoir murmuré une invocation dans une langue qui parut à René plus archaïque encore que celle dont il s'était servi l'instant d'avant pour se faire comprendre. La potion prise, le vieillard laissa retomber sa tête sur le coussin brodé d'or et rigide, enveloppé comme d'un suaire de ses longs vêtements blancs, il attendit. Au bout d'une heure environ, il commanda d'un geste, à René attentif, de lui donner une seconde dose de son breuvage. Pendant toute la nuit que le jeune homme et Atlantis passèrent à son chevet, il continua à demander son philtre, à la grande pitié de René, qui arrivait à en trouver la saveur de plus en plus nauséabonde. Mais hélas, le mieux espéré ne se produisit pas. Atlantis n'y comprenait rien. D'abord, quand le vieillard avait formulé son ordonnance, elle avait battu des mains, toute joyeuse. « La potion des anciens !» avait-elle crié de sa voix fraîche. « Elle va te guérir, cher père. Elle va ranimer tes forces et réveiller en toi le feu de la jeunesse. » Convaincue qu'au bout de quelques heures, Chariclès se trouverait guéri, elle était doublement attristée de le voir demeurer inerte, le visage émacié, les sourcils contractés, les yeux caves fixés sur eux d'un air de détresse, tandis que sa respiration haletante soulevait avec peine les boucles soyeuses de sa barbe blanche. « Il ne va pas mieux, » disait la pauvre Ondine désolée en tournant ses beaux yeux clairs vers René. « Je n'ai sans doute pas le tour de main, » répondait René tout déconfit. Ou peut-être les drogues étaient éventées et ont perdu leur vertu première. Ou peut-être elles ne valurent jamais rien. Atlantis secoua la tête. Chariclès a bien choisi les éléments de sa potion. Il est savant dans cet art comme dans tous les autres. Mais si les dieux ne veulent pas le guérir, aucun philtre n'aura de pouvoir contre le mal. Les immortels aient pitié de moi, ce malheureux enfant. S'il faut que je le voie expirer sous mes yeux, sans pouvoir lui porter secours. » Et des larmes pareilles à des diamants étincelaient dans les yeux d'aigue marine de la jeune fille, que cette expression de piété filiale embellissait encore au gré de René. « Fille chérie, murmurait le vieillard, ne te désole pas, enfant de mon âme. Si les dieux le veulent, je reviendrai à la santé, et remercie-les, en tout cas, d'avoir conduit ici ce jeune étranger, digne d'être ton frère par les dons extérieurs, aussi bien que par ceux de l'intelligence. Vois son affliction. Il sent ta peine et voudrait me donner de sa force. Honneur à celui qui sait respecter la vieillesse. Peut-être a-t-il un père et croit le reconnaître en moi. Interroge-le, ma fille. Sache de lui sous quel ciel il vit le jour, par quel hasard il pénétra dans notre demeure. Volontiers je l'écouterai, et sans fatigue, ainsi, ouvrant mon entendement à des idées nouvelles, j'attendrai patiemment que mes destins s'accomplissent. » Atlantis et René s'empressèrent d'arranger la couche du vieillard plus commodément, de relever sa tête, et, lui ayant humecté le front et les lèvres de quelques gouttes d'un baume odorant, contenu dans une buire de forme exquise, Atlantis se posa sur ses coussins auprès de lui. Une main sur la main de son père, l'autre soutenant son menton délicat, le coude sur son genou, elle fixa son beau regard sur René. « Parle, étranger, » dit-elle. « Explique-nous d'où tu viens, qui tu es. Quelles furent ta race et tes aventures? Chariclès et sa fille t'écoutent, et souviens-toi que ceux qui viennent de loin doivent veiller sur leurs lèvres, afin qu'elles ne livrent passage qu'à des paroles de vérité. Que l'austère sincérité t'accompagne. Nous, pauvres reclus, isolés du monde, nous t'entendrons avec respect. Puissions-nous tirer de tes discours des enseignements et des lumières qui nous manquent. » On vit se peindre sur le visage de Chariclès la plus vive approbation du sage discours de sa fille, et René, s'inclinant avec un sourire, commença son récit. Vous voyez en moi, dit le jeune officier, un peu confus de se trouver ainsi obligé de mettre sa personnalité au premier plan dans son récit, le fils d'une race inconnue, sans doute, au temps dont vous avez ouï parler, car je le présume d'après tout ce que je vois autour de moi, des siècles se sont écoulés sans que ceux de votre nation aient eu le moindre rapport avec le monde extérieur, avec nous autres, enfin. Le vieillard fit de la tête un signe affirmatif. Mais, continua René, n'avez-vous pas entendu parler d'une colonie grecque fondée par vos ancêtres et qui eut nom Phocé ? Je connais Phocé, dit Chariclès. Sors-tu de cette ville fameuse, jeune homme ? Es-tu notre compatriote, une sorte de cousin éloigné ? Compatriote, ce serait aller un peu loin, reprit René en souriant. Mais enfin, nous avons, à n'en point douter, des origines non entièrement dissemblables. Il est certain que vous appartenez, comme nous, à cette grande famille que les savants ont appelée indo-européenne. Les nations variées qui sont sorties de cette souche commune viennent d'un seul peuple qui habitait à l'origine sur un plateau élevé de l'Asie centrale. Je n'ai pas à vous apprendre qu'à une période éloignée, longtemps avant les âges historiques, cette race émigra et s'étendit sur une vaste région de l'Asie et de l'Europe. En Asie demeurèrent les Hindous qui parlaient sanskrit, les Mèdes et les Perses qui parlaient le Zend furent les deux branches principales de ce peuple. En Europe, nous trouvons quatre variétés principales, les Germains, les Pélages, les Slaves et les Celtes. Vous n'ignorez pas que, dans l'origine des temps, ce pays que nous appelons Grèce, après les Romains, et que vous ne connaissez peut-être que sous l'appellation d'Hellas, du nom de votre fondateur Hélène, se nommait alors Pélagie. L'Attique, l'Arcadie surtout, se vantait de la noblesse de leur origine et s'enorgueillissait de sortir de souches uniquement pélagiques. Ce sont les Pélages qui se répandirent en plus grand nombre sur l'Italie, dont le sud, d'après la quantité et l'importance de vos colonies, porte longtemps le nom de Grande Grèce. La langue Pélage forme ainsi la racine de la langue latine, aussi bien que de la langue grecque. Je m'étends sur ces détails pour vous montrer que nous avons bien, en effet, des origines communes et que tous, nous sommes les rejetons d'un même tronc, à des degrés différents de culture. « Je t'écoute avec intérêt, étranger, » dit Chariclès. « La sagesse sort de tes jeunes lèvres, mais je t'en prie, parle-moi de la cité phocéenne dont tout à l'heure tu prononças le nom. Vous connaissez l'origine de Phocée, fondée par vos aventureux compatriotes, les Phocéens d'Ionie, il y a plus de 2500 ans. Vos marchands, se lançant sur leurs frêles barques, avaient vite reconnu le parti qu'on pouvait tirer de notre fertile terre méridionale. Et pourtant, que de dangers, que d'embûches autour d'eux. La colonie phocéenne ne subsista que par miracle. Sur terre, elle était entourée de puissantes tribus gauloises et liguriennes qui ne la laissaient pas sans combat s'agrandir d'un pouce de terrain. Sur mer, elle rencontrait les énormes flottes carthaginoises ou étrusques qui massacraient sans pitié tout étranger venant faire le commerce en Sardaigne. Mais vos immortels les protégeaient sans doute, et tout réussit aux Marseillais. C'est ainsi que nous nommons aujourd'hui les Phocéens, sans qu'ils eussent à tirer l'épée. Les Syracusains détruisirent la marine étrusque, et Rome finit par absorber tous les États commerçants. Carthage, l'Étrurie, la Sicile succombèrent. Volontiers les Phocéens eussent pris la place de Carthage, que semblait leur destiner leur génie économique et mercantile, mais sans oser aspirer aussi haut, ils se contentèrent de civiliser dans leur voisinage immédiat les barbares, comme ils appelaient mes ancêtres, et de fonder de nombreux établissements le long de la côte méditerranéenne, depuis les Alpes-Maritimes jusqu'au Cap-Saint-Martin, c'est-à-dire jusqu'aux premières colonies carthaginoises. Si vous me demandez maintenant quel était le peuple qui s'étendait au nord de la colonie phocéenne et qui est celui dont je descends, je vous le décrirai par la bouche d'un historien antique. Le caractère commun de la race gallique, dit-il, en substance, d'après le philosophe Posidonius, c'est qu'elle est irritable et folle de guerre, prompte au combat, du reste simple et sans malignité. Si l'on irrite les Gaulois, ils marchent ensemble droit à l'ennemi et l'attaquent de front sans s'occuper d'autre chose. Aussi, par la ruse, on en vient aisément à bout. On les attire au combat quand on veut, peu importe les motifs. Ils sont toujours prêts, N'eussent-ils d'autres armes que leur force et leur audace? Toutefois, par la persuasion, ils se laissent volontiers amener aux choses utiles. Ils sont susceptibles de culture et d'instruction littéraire. Forts de leur haute taille et de leur nombre, ils s'assemblent aisément en grande foule, simples qu'ils sont et spontanés, prenant volontiers en main la cause de celui qu'on opprime. Voilà l'un des premiers jugements portés sur ma race par la philosophie. Un beau trait, le dernier, dit Chariclès en hochant sa tête vénérable, prenant volontiers en main la cause de celui qu'on opprime. C'est là une caractéristique digne d'admiration. Et que l'on retrouve tout le long de la glorieuse histoire de ma patrie, dit René dont les yeux brillèrent d'un feu généreux. Oui, je puis le dire avec fierté, nulle nation comme la mienne n'a joué dans le monde le rôle de paladin. Toujours en avant sur le chemin de la lumière et de la liberté, la France est l'éclaireur du monde, et pas d'idées généreuses qui ne trouvent un écho chez elle. Elle a remplacé la Grèce dans la mission civilisatrice. Remplacée ? Interrompit vivement Chariclès. Hélas, a-t-elle donc disparu ? Au point de vue politique, oui, je ne puis vous le cacher. Sa grandeur, qui a rayonné sur toute la civilisation antique, et dont nous-mêmes nous subissons encore l'influence, s'est éteinte sous la domination romaine, environ 145 ans avant notre ère. Mais de quel éclat incomparable a brillé ce petit peuple ! Les sciences, les arts, la guerre, ces Grecs excellèrent en tout. Aujourd'hui encore, nous demeurons confondus d'admiration devant ces chefs-d'œuvre sortis de leurs mains, de leurs plumes, de leurs cerveaux puissants et affinés. Vous n'avez pas connu sans doute, Chariclès, les merveilles enfantées par les fils de votre noble pays ? Peut-être ignorez-vous jusqu'au nom de Phidias et celui d'Euripide, celui de Socrate, d'Aristote ou de Platon. Eh bien, nous tous, les civilisés du monde moderne, nous formons notre plus chère étude de ces travaux issus du génie grec. Celui qui les ignore est réputé sans culture, un homme ignorant, une sorte d'ilote. Nulle part on ne trouve de plus belles choses que celles qu'ont créées dans tous les genres les artistes grecs. On les copie, on les admire, on les vénère. On les égalera peut-être, on ne les surpassera jamais, car en tous les genres, ils ont atteint la perfection. Tes paroles sont précieuses, jeune homme, et me raniment ainsi qu'un vin généreux, s'écria Chariclès avec feu. Et vois, Atlantis, elle en est émue, elle aussi. Elle boit ton discours et se sent plus fière de sa race. Oui, dit la belle Atlantis. Il m'est doux de t'entendre célébrer les vertus de ma nation, étranger. Bien qu'il me soit cruel d'apprendre qu'elle est tombée, nous ne connaissons, hélas, de son antique gloire que les lointains poèmes du grand Homère. Dis-moi, les connais-t-on encore ? Les as-tu jamais lus, tracés sur le papyrus soyeux ? Connais-tu le roi des hommes, Agamemnon, et Hélène, plus belle qu'Aphrodite, et le traître Paris ? Et Ajax, et Hector, et Ulysse, et le vieux Nestor, les ai-je assez piochés, bon Dieu, sur les bancs du collège ? S'écria René en riant. Oui, je les connais, moins que je ne le devrais sans doute, mais c'est à étudier le divin Homère que la jeunesse de ma nation passe la majeure partie de ses années de classe. Nous avons des savants qui le compulsent leur vie entière, et on formerait une bibliothèque des livres qui ont été écrits sur son poème. « Sans doute vous n'en avez pas, vous autres barbares, » dit Atlantis avec simplicité. « Nous en avons certainement, » dit René un peu piqué. « Et puisque vous voulez bien m'accepter pour maître de français, je vous les ferai connaître, belle Atlantis. Mais je vous l'avoue, nous n'avons pas de poète qui ait égalé Sophocle ou Euripide. Pas plus qu'aucun de nos sculpteurs n'a surpassé le divin Phidias. » Et pourtant, ce sont les premiers du monde. Et comment en êtes-vous arrivé à ce degré de prééminence ? Continua Atlantis avec intérêt. Êtes-vous nos héritiers directs ? Est-ce par les Phocéens que vous avez appris nos secrets ? Ce serait un peu long à vous expliquer, dit René. Cependant, je vais l'essayer. Et, se mettant à la portée de ses auditeurs, le jeune officier fit appel à toutes ses connaissances ethnologiques, scientifiques, artistiques et historiques, et après leur avoir bien expliqué le caractère gaulois, le caractère franc, le caractère breton et la race romaine, il leur résuma à grands traits l'histoire du monde depuis le moment où ils semblaient en avoir perdu la trace et qui datait à peu près de la fondation de Phocée, c'est-à-dire 600 ans environ avant notre ère. Suprématie d'Athènes, 450 ans avant Jésus-Christ, Euripide, Périclès, Phidias, Aristophane, etc. Ce fut long, curieux, attentif. Les deux solitaires ne voulaient laisser perdre aucun fil de la trame des événements, et leur professeur improvisé eut parlé toute la nuit qu'ils l'eussent écouté avec le même intérêt. Fatigué enfin de sa longue conférence, René, les ayant conduits jusqu'à l'Europe de 1890 et quelques années, s'arrêta hors d'haleine, et un long silence plein de réflexions s'établit entre eux. Chariclès fut le premier à sortir de sa rêverie. « Tout ce que tu m'as appris me confond, jeune étranger, » dit-il enfin. « Que de merveilles, que d'événements, que de vicissitudes, ô mon pays, si petit par l'espace que tu tiens dans le monde, si grand par la majesté du génie, sois béni. Je mourrai sans avoir jamais pressé mes lèvres sur ton sol sacré. Mais avant de descendre dans Hadès, je bénis les dieux de m'avoir amené cet étranger qui m'a révélé ta gloire et ta grandeur. À mon tour, je voudrais te dire l'histoire de ma race, te faire comprendre comment tu nous trouves ici, au fond des eaux sans limite. Mais la fatigue m'accable, mes membres alourdis, ma langue inerte ne saurait plus me servir. Que la blonde Atlantis prenne ma place et t'instruise, ô jeune étranger. Sa voix harmonieuse te charmera pendant qu'elle bercera mes dernières heures en ce monde. Parle, enfant chéri, nous t'écoutons, vénérant en toi la triple majesté de la beauté, de l'innocence et du savoir. N'oublie rien de ce qui peut t'instruire ce jeune homme, et te modelant sur la vie que tu lui donnes à toi-même, laisse l'austère vérité au miroir éclatant présider au seuil de ta bouche. Parle, et que Pallas dicte tes paroles. » Atlantis s'inclina modestement devant son père, puis, sans se faire prier, « Je t'obéis, noble Chariclès, » dit-elle, « et toi, étranger, sois indulgent si mes lèvres encore enfantines défaillent parfois dans mon récit. Chariclès m'a pris le peu que je sais. À lui l'honneur si mes paroles savent te plaire et t'intéresser. »